Bonjour à tous et bonjour à toutes. On arrive doucement vers la fin d'année et c'est le moment de se faire une émission spéciale Noël. Alors, on ne va pas écouter des chants de Noël, mais des morceaux que je vous aurai sélectionnés. Le premier, un grand classique, le Mary's Boy Child de nos amis de Boney M, paru en 1978. Il n'est à l'origine sur aucun album. Ça sonne terriblement bien Noël, et c'est pourquoi vous allez y avoir droit maintenant. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Oh my Lord, when in the crypt they found him, oh my Lord, Bonne préparation de fête avec Fadjet. Et puis c'est l'occasion de passer aussi des chansons que j'aime bien. Vous le savez, Clo-Clo tient une grande place dans mes émissions, et comme cadeau de Noël, une chanson qui fait partie de mes préférées. Soudain, il ne reste qu'une chanson. Parue en 1975, c'est une adaptation de la chanson I'll Be Around du groupe The Spinners. On l'a déjà entendue cette année, il me semble. On va écouter la version française Made in Clo-Clo. Et puis Noël, c'est la période des cadeaux. Alors, vu que la chanson qui va suivre a fait mouche pour l'anniversaire du grand Jean-Loup entre parenthèses, je vais te la repasser. C'était Gary's Gang et son Knock Me Out. Alors, paru en 1982, une vraie bombe. Ah, on en a fait des malheureuses là-dessus, c'est parti. We'll be right back. Et comme c'est bientôt Noël, j'ai un autre cadeau à faire. C'est au Gax, un heureux retraité, que je vais l'offrir. Sa chanson préférée d'Oliver Cheatham est aussi la plus connue, Get Down Saturday Night. Alors, qu'est-ce qu'on en a pu en parler de cette chanson-là, Gax ? Il ne connaissait que celle-là de Get Down de Oliver Cheatham. J'espère que j'ai réussi à t'en faire découvrir d'autres qui étaient pas si mal que ça. Alors, la chanson est parue sur l'album du même titre il y a 41 ans, oui, vous entendez bien, et elle n'a pas pris une ride. Je vous laisse seul juge. Pardon, Aline. Saturday night. Et comme je dis souvent, il n'y a pas que le disco et le funk, je vais vous passer un titre de Wham. J'ai choisi pour terminer notre émission Everything She Wants et non pas Last Christmas, surprise, surprise. Après la sortie du 45 tours, fin novembre 1984, c'est l'autre chanson, Last Christmas, qui est la plus diffusée en raison des fêtes de Noël, bien sûr. Une fois les fêtes passées, Everything She Wants prend le relais sur les ondes des radios britanniques. Le single de Wham se classe numéro 2 au Royaume-Uni, derrière la chanson du groupe de charité Band Aid. I do. De notre émission. Je vous souhaite un bon Noël et à la semaine prochaine pour l'émission de Nouvel An. Bye bye!